in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, vade mecum de profundis par rectum et si filii. Humane erare est, vade retro satanicus, Sortiresciut cam labres carpe diem alia jacta est. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, fade mecum de profundis alu rectum et si filii. Fidèle serviteur de Dieu, j'imagine sous vos habits de nonne, vos fesses couleur d'albâtre. J'ai beau être un saint homme, j'ai aussi mon sacro-saint pieu que j'enfilerai bien dans vos fesses. Allez ma sœur à quatre pattes. Oula. Pardonnez-moi mon Dieu, mais nom de Dieu je suis un homme et je veux baiser. J'ai beau me détourner de ces pensées viles et bestiales et camoufler ma trique grâce à des slips téfales, je pense à vous ma sœur par devant et par derrière, accroupie à genoux, exauçant mes prières. Si Satan m'habite, c'est bon, approchez jolie demoiselle, le septième ciel pour l'ascension et bourrez une dinde pour Noël.